Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Aloïs Le Claquin. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour la cinquième saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par la NEF. C'est une coopérative bancaire éthique qui finance exclusivement des projets à impact positif depuis plus de 30 ans. La NEF, elle a lancé le Big Bank. D'ailleurs, au passage, je vous en fais part. C'est un mouvement pour créer la première banque éthique indépendante française. Il y a déjà plus de 47 000 personnes à y croire. Et moi, je vous invite à rejoindre le mouvement, le Big Bank, sur jeparticipeaubigbank.fr. D'ailleurs, Aloïs, la NEF est... il me semble, la structure qui nous a mis en contact, et on en reparlera tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis heureux de te donner la parole. Toi, Aloïs, tu es cofondateur et co-dirigeant de La Belle Folie, c'est un tiers-lieu écologique dédié aux loisirs et à la détente dans la baie de Quiberon. Ça va nous faire voyager, ça va nous faire du bien. Ensemble, nous parlerons de nouvelles formes de tourisme, de comment habiter autrement le territoire et de toute la place que nous devrions donner aux loisirs dans nos vies. Mais pour commencer cet échange, Aloïs, je te pose la même question que je pose à tous mes invités en début d'interview. Tu es un événement, tu rencontres des inconnus, arrive la question fatidique, et toi, tu fais quoi dans ta vie en général? Qu'est-ce que tu leur réponds? Écoute, je suis un ancien navigateur. Je faisais de la course au large de mon adolescence jusqu'à mes 30 ans. Et depuis 10 ans, j'ai cofondé et je co-gère, comme tu l'as dit, le projet La Belle Folie. Et je fais également un peu de consulting à côté. Et voilà. Comment on le dit autrement, ça, Aloïs, si on devait faire déjà un peu l'exercice de se triturer les méninges depuis les 2030 glorieuses, La Belle Folie, tu vois, c'est une manière de se relier au loisir, de se relier à l'autre, de se relier à son territoire différemment. Du coup, toi, qu'est-ce que tu incarnes? Et finalement, à travers ce métier, à quoi tu contribues comme nouvelles abondances? Moi, je trouve que malheureusement, tu vois, en 2023, on est trop cloisonné encore dans nos compétences et on est tous cofondateurs d'un truc et tout. En fait, je trouve que c'est d'une certaine manière un peu stérile comme manière de se présenter. Si on devait faire le jeu, là, toi, t'es en 2030 glorieuse, tu dis à quoi tu contribues, et c'est ça, en fait, ton intitulé de métier, tu dis quoi? Bah écoute, on contribue modestement, j'espère, à faire un peu rêver les gens quand ils viennent dormir dans une cabane. Je crois qu'on a tous envie de voyager un peu différemment. On n'a plus forcément envie, enfin si, on a parfois envie d'aller au bout du monde, mais on se retient pour des raisons écologiques, même si on peut y aller en bateau à voile, mais il faut avoir 6 mois ou 1 an ou 2 ans devant soi, donc c'est pas toujours facile à organiser. Donc l'idée elle nous est venue d'essayer de créer un lieu un peu sympa dans notre coin historique là de Plémel-Carnac dans la baie de Quiberon, de créer dans cette forêt de 5 hectares des cabanes en partenariat avec l'école d'architecture de Nantes. Donc c'est des copains qui, à la base, on est une bande de copains à la base, avoir eu cette idée pour essayer de rendre le design et la construction un peu accessible. Souvent les hôtels contemporains et design sont réservés à une élite, souvent c'est cher. Je dis pas qu'on est on aimerait sûrement être moins cher à La Belle Folie, mais je pense que grâce à notre montage et à la façon dont on a monté le projet, on est un peu plus accessible que d'autres hôtels en Europe qui font des choses où on fait des choses qui ressemblent. Et l'objectif, voilà, c'était d'essayer de construire des cabanes avec des sortes de plutôt de sculptures habitées qui sont toutes isolées, chauffées, avec toilettes, douches, salle de bain, etc. privilégiant les matériaux de écolo, recyclés ou de seconde main, etc. Pour travailler à l'année et faire vivre notre petit bout de pays qui est quand même très vivant 6 mois par an, mais qui l'est beaucoup moins les 6 mois d'hiver. Là, l'idée, c'était d'essayer d'ouvrir un lieu à l'année. On a réussi en partie sur la partie des cabanes. Là, il y en a 5 grandes, une 6e en cours de construction. Et puis, il y a la partie restauration qui, elle, on n'a pas tenu depuis le Covid. On a essayé d'ouvrir à l'année et ça a très bien marché. Puis le Covid a mis ça un peu à plat. Et maintenant, on est ouvert 6 mois par an sur la partie restauration et 6 mois d'hiver, c'est sur réservation uniquement pour des groupes, pour des assos, pour des entreprises, pour des familles, pour des choses comme ça. Donc on est quand même ouvert, mais c'est pas aussi vivant qu'on l'aurait souhaité. On a nous aussi dû remettre un peu nos pendules à l'heure avec les difficultés que le Covid a généré. Tu dirais du coup que quoi, t'es hébergeur insolite, t'es accueillant créatif, il y a ce côté enfantin hein, un peu que tu signalais aussi en début de présentation comme tu l'as fait. Ouais complètement, et puis je suis content parce que moi j'ai vraiment un parcours d'autodidacte complet, donc j'ai pas l'impression d'être formé à l'excellence dans quelques sujets que ce soit. Et quand tu lis des pros là, je te disais en début d'interview là, je disais Aurélien Barreau, son dernier bouquin, et il parle beaucoup de poésie, il parle beaucoup de poésie, ouais. Et donc les enfants ont ce truc-là. Il y a plein de grands artistes, je crois, comme Picasso ou d'autres, qui ont essayé apparemment toute leur vie de garder cette espèce de joie d'enfant qui est quand même formidable. Bah, d'essayer de la cultiver et puis de la faire vivre. Ouais, absolument. Moi, là, tu vois, je dois t'avouer que dans le podcast, j'arrive assez peu à mettre pour l'instant des activités, des métiers, puisque il y a vraiment, depuis les 2030 Glorieuses, l'importance de mettre en avant les métiers qui contribuent aux nouvelles abondances. J'arrive assez peu à mettre en avant des activités liées au tourisme, parce que je trouve qu'en fait, souvent on dit durable, responsable et tout le tralala, mais en général, quand on creuse, la limite du greenwashing, elle est floue. Et en fait, c'est en sachant que vous étiez quand même soutenu par la NEF que je me suis dit, bon, allez, en fait, si la nef est derrière, ça veut dire qu'ils ont travaillé autant la forme que le fond. Et donc, ça vaut le coup d'aller questionner tout ça. J'ai vraiment ensuite pu me documenter, me renseigner sur votre projet qui, effectivement, je pense, se veut ambitieux, pas simplement pour le mettre en avant sur le site internet. Raconte-moi justement comment vous avez fait en sorte de faire que cette question du durable, que cette question du responsable, que cette question du solidaire, que cette question de la circularité, etc., ça soit pas simplement une condition, mais en fait une vraie boussole de votre démarche et que ça y contribue positivement. Ouais, alors tu vas voir, c'est assez drôle, la nef. J'ai réuni une bande de copains et d'associés autour de moi pour monter ce projet parce que j'avais pas les compétences de tout faire tout seul. Et on a démarré avec un budget vachement raisonnable par rapport à la taille du projet. Et ce qui a été très marrant, c'est qu'en fait, on avait 3 associés plutôt jeunes et avec quelques économies de côté parce qu'on avait 35, 40, 45, 50 ans. Puis on avait 2 associés retraités de 70 ans, des gens beaucoup plus fortunés, des gens qui avaient travaillé dans d'autres domaines, mais une autre génération, qui étaient un peu les parrains du projet. Et puis, moi, j'étais assez serein. Je me dis, bon, bah, on a 50% de l'apport et du budget. C'est quand même beaucoup. Donc, on est allé voir les banques classiques. Toutes les banques classiques nous ont envoyé bouler. Et les deux seules banques qui ont accepté de financer le projet, c'est la NEF et Triodos, qui est une sorte, si je dis pas de bêtises, de NEF un peu européenne, dont créée, je crois, 2-3 ans avant la NEF en Belgique. Je crois que la NEF s'est aussi inspirée en 87 de la création de Triodos en Europe. Malheureusement, la crise du Covid et des banques a fait que Triodos a dû fermer, je crois, son bureau à Paris. Donc maintenant, on traite directement avec le bureau belge. Mais au-delà d'essayer de travailler depuis le début avec des banques, ce qu'on s'était dit, on va quand même en consulter plusieurs, on va voir, parce qu'on n'y connaissait rien, on savait pas du tout si la NEF c'était 4 fois plus cher que la Banque Populaire ou le Crédit Agricole ou je ne sais quelle banque classique. Ce que je trouve assez génial chez eux, c'est que, ok, tu payes, c'était évidemment plus cher que les banques classiques, mais nous, de toute façon, on n'a même pas eu le choix, on était obligés d'être, entre guillemets, militants, puisque les seuls qui voulaient bien nous soutenir, malgré nos 50% d'apport, c'était la NEF et Triodos. Et je trouve ça assez génial parce que, Parfois, je suis très en colère contre les autres organismes bancaires parce que tu te dis, c'est quand même fou, quoi. Nous, on avait deux associés, des industriels richissimes comme caution. On avait 50% de l'apport. On avait, enfin, bon, tout avait l'air de s'organiser un peu correctement. Et tu as l'impression que les banques classiques, ils sont bons pour financer des pizzerias industrielles en zone commerciale, quoi, pas pour soutenir des projets un peu sympas, qui ont de la gueule. Donc, au-delà d'être en plus une finance éthique, je trouve qu'ils prennent des risques sur des projets qui sont chouettes et qui fonctionnent. Et du coup, bah, nous, on n'arrête pas de dire aux copains, si vous avez 50 euros de côté ou 100 euros de côté ou même 30 euros de côté, ouvrez un compte à la Nef pour justement essayer de participer. Parce qu'aujourd'hui, la Nef, tu peux travailler avec eux quand tu es un professionnel. Tu peux avoir un compte de dépôt quand tu es un particulier, mais on peut pas encore avoir de carte bleue ni de chéquier. Non, ça devrait plus tarder, là. Complètement. Et on essaye de militer, nous, à notre petite échelle, pour que de plus en plus de copains ou de connaissances prennent un compte chez eux parce qu'on, je crois qu'ils sont, on est 45 000, je crois, sociétaires à la Nef en France. Mais apparemment, plus on sera nombreux, plus il y aura possibilité qu'ils fassent valoir ce poids et qu'ils aient une 100% d'autonomie et la possibilité d'avoir des chèques et des cartes bleues. Ouais, et d'avoir un partenaire qui réagit positivement quand on lui dit, ben voilà, nous on a un projet qui est là pour faire rêver les gens. Ça fait du bien et je pense qu'effectivement, c'est un marqueur comme quoi on a un partenaire qui nous comprend et qui va nous soutenir dans notre folie. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure au terme de folie qui, moi, me plaît bien. Raconte-moi les autres engagements, parce que tu m'as dit que vous aviez un lieu qui était quand même qui était particulièrement engagé. Donc au-delà de particulièrement, on est toujours comme dit cet humoriste rigolo là, comment il s'appelle, qui passe sur Zoom Zoom Zen, on est toujours le beauf d'un autre. Oui, mince, attends, je te le retrouve. Benjamin Tranier, comme dit Benjamin Tranier, on est toujours le beauf d'un autre. Oui, non, je pense que nous, on dit très modestement tiers-lieu. On a essayé de faire beaucoup de choses au démarrage du projet depuis l'été 2019. Le Covid et l'entente entre les associés a été pas mal chamboulée depuis. Donc, on essaye on a calmé le jeu. On a essayé de consolider le fonctionnement de la partie hôtellerie et puis de la partie restauration. Et puis, bon, il y a toujours une jeune femme qui s'appelle Soline Mercier qui fait des activités dans les bois pour sensibiliser les enfants à l'écologie par la construction de cabanes, de jeux, etc. pour des locaux, des écoles ou des gens qui viennent à l'hôtel avec leurs gamins. On fait quelques concerts, un peu d'humour l'été, notamment avec la bande de France Inter emmenée par Alexis Le Rossignol, qui est un type super, qui fait souvent des tournées l'été avec d'autres copains à lui, humoristes, et qui passe comme ça dans des lieux un peu sympas, des lieux comme la Belle Folie, des fermes, d'autres tiers-lieux, etc. Donc tu vois, je pense qu'il y a d'autres tiers-lieux dans notre coin qui font des choses qui sont beaucoup plus, qui sont beaucoup plus développées. Nous, je pense qu'on a eu cette naïveté de vouloir faire beaucoup de choses au démarrage, et puis le Covid a balayé un peu tout ça, et aujourd'hui on essaie de reconstruire pierre par pierre de façon plus lente et puis plus pérenne. Donc les autres choses qu'on a fait, donc au final la Nef et Triodos, bon, on était contents parce que du coup c'était un financement militant, puis de toute façon on n'avait pas le choix, c'était les seules banques qui voulaient bien nous suivre. Aujourd'hui, bah, à l'époque t'empruntais à 1%, la Nef et Triodos ça devait être 2-2,5%. Aujourd'hui, si t'arrivais à emprunter à 2-2,5%, tu serais ravi, parce qu'aujourd'hui on est rendu à 4 ou 4,5 ou 5. Donc tu vois, la vie est pas toujours si mal faite. Tu te dis, bah au final on a bien fait d'emprunter à des taux comme ça. Moi, je suis vraiment content d'avoir emprunté avec des banques auxquelles je crois. Enfin, je crois. J'ai jamais. Je suis pas non plus, un journaliste d'investigation. Je suis pas allé fouiner en fond en comble de ce que fait la Nef. Mais il me semble que la Nef est un organisme auquel on peut faire un peu plus confiance que les organismes classiques. Ensuite, on a constitué en fait une SCI avec 40 copains copines. Qui ont tous investi entre 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros pour nous aider à acquérir le terrain et fabriquer les deux bâtiments principaux. Et ensuite, on est 5 associés dans une SARL, la société d'exploitation, avec 3 fonds d'investissement solidaire, dont 2 clubs Cigales, qui sont des petites assos citoyennes qui sont présentes sur l'ensemble du territoire français. Et ce sont des petites assos citoyennes où, en gros, tu peux mettre 10 euros, 50 euros, 100 euros, c'est des petites épargnes. Et ça va financer que des projets de transition. Alors ça peut être un paysan boulanger, une nana qui fait de l'isolant avec du riz, un mec qui a monté une boîte pour réparer des vélos, une biocoop, je ne sais quel projet, mais en tout cas des projets qui vont dans le sens un peu de la transition. Nous, ils n'ont pas investi beaucoup, mais on trouvait que l'initiative, elle était vachement sympa. En fait, on a toujours l'image que pour investir, il faut être milliardaire, pas forcément en fait à coût de 10 euros et à coût de 30 euros une fois par an ou deux fois par an ou une fois tous les 2 ans, 3 ans selon les finances des gens. Tu peux participer à des petits projets comme ça. Les gens se disent toujours c'est pas grand chose, mais en fait quand tu additionnes plein de gens, tu peux faire vraiment des trucs chouettes. Et donc voilà sur la partie un peu financement et organisation du terrain. Ensuite, il a fallu, quand on s'est installé, t'as deux choix en France. C'est pour ça que j'ai toujours du mal, des fois, à comprendre l'artificialisation des sols en France. Parce que je crois qu'on dit que tous les 7 ans, t'as un département à peu près de terres agricoles qui disparaît en France. Mais au final, la loi, nous, quand on a découvert le truc, parce qu'on a tout fait nous-mêmes, vu nos finances qui étaient quand même pas élevées, on a dû évidemment tout faire nous-mêmes. Quand tu t'installes dans une forêt comme la nôtre de 5 hectares, nous, on n'avait pas du tout prévu d'en faire un parking de zone industrielle. Donc, on avait prévu d'essayer de garder un maximum d'arbres. Mais quoi que tu fasses, tu dois compenser. Tu as deux façons de compenser ton installation. Ou tu fais un chèque à l'État, mais ça coûte assez cher. Ou tu dois trouver un propriétaire terrien dans ton département qui a de la terre agricole et tu dois la faire passer en terre forestière et tu dois financer 3 hectares d'arbres via des professionnels de la... Je crois qu'on appelle ça la civiculture, si je dis pas de bêtises, les gens qui s'occupent des arbres. Tu dois replanter 3 hectares et pendant 3 ans payer la personne pour l'entretenir, pour être sûr que les chevreuils, la maladie, tu vois, fassent que les arbres prennent racine. Et ça s'appelle de la compensation. Et donc, on a choisi, parce qu'on était aussi fauchés, de pas faire un chèque à l'État énorme, mais plutôt de trouver ce fameux propriétaire. Donc, nous, c'est dans un bled à 15 ou 20 bornes de chez nous, dans les terres. On a replanté 3 hectares. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de palier. C'est-à-dire que tu fasses un Ikea ou une Belle Folie. Malheureusement, c'est le même sujet. Nous, on aurait pu raser, je sais pas, des centaines d'arbres, alors qu'en final, on a enlevé 50 sur 5 hectares, c'est-à-dire 3 fois rien. Mais on a quand même compensé notre impact par la replantation de ces 3 hectares. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a dessiné grâce à nos copains architectes. Donc, c'est un couple qui a une agence d'architecture à Vannes, Christina Panayotopoulos et Pierre Quick qu'on crée. En fait, ils se sont inspirés des bâtiments bioclimatiques où en fait tu fais une grande serre et à l'intérieur de la serre tu fais un bâtiment. Donc je crois que c'est ce qu'avait développé beaucoup la Caton Vassal, qu'on fait le Palais de Tokyo, qu'on fait l'école d'architecture de Nantes, etc. C'est des bâtiments assez peu énergivores parce qu'en fait, grâce au soleil, tu préchauffes un grand volume. Et les volumes à l'intérieur, du coup, sont moins énergivores à construire et puis à s'entretenir, entre guillemets, si j'ose dire. C'est-à-dire que tu as besoin de moins les chauffer, moins les refroidir, etc. Donc, sur la partie bâtiment, voilà comment ça s'est passé. On a racheté une base en container déjà existante qui appartenait à une écurie de course au large où il y avait déjà les vitres, il y avait déjà les cuisines, les planchers, l'électricité, etc. Donc, on a essayé, sur toute la partie construction, de valoriser un maximum de choses qui étaient déjà existantes. Et puis on a travaillé dans cet esprit un peu de partenariat avec l'école d'architecture de Nantes, avec un lycée agricole et avec beaucoup de sponsors, donc des gens qui, parce que t'as un projet militant qui va essayer de rendre un peu le design accessible et puis faire une sorte de guinguette un peu sympa accessible, qui donnent des coups de main. Donc des boîtes comme Steico qui nous a offert de la laine de bois, des boîtes comme Bouygues qui te file une réduc sur le béton, parce que même si on en a utilisé très peu, on en a utilisé un peu pour couler notre dalle. Des boîtes qui te donnent des coups de main sur du mobilier, qui te disent « Tiens, on a un magasin de déco, cette lampe, elle est un tout petit peu abîmée, allez, on vous l'offre ou on vous la vend 3 fois moins cher. » On a tout monté comme ça. Moi, j'aime bien, Loïs, quand tu parles du projet, parce que franchement, je prends le comme un compliment, parce que c'est le cas. J'ai l'impression que c'est un joyeux foutoir, moi. Ça me plaît bien, le fait que les 2030 Glorieuses, ça soit un joyeux bordel, que, en fait, à l'image du vivant, tu vois, on reprenne un peu ce côté foisonnant, un peu foutraque, mais du coup, très relié, très interdépendant. J'ai l'impression que la belle folie, c'est ça. Et je voulais d'ailleurs te poser la question de la place de la folie dans ce projet et dans le nom, tu vois, pourquoi est-ce que c'est une référence un peu culturelle et puis basta? Est-ce que vous avez une relation un peu plus pensée, assumée à cette question de la folie et à ce que ça veut dire de comment être en relation à l'autre, à son territoire, et est-ce que vous attendez de la société? Écoute, c'était plusieurs choses en fait. On cherchait le nom, on trouvait pas de nom qui nous plaisait, etc. Le restaurant qu'on souhaitait créer, c'était vraiment un truc un peu esprit guinguette, donc des grandes tables, des vins plutôt accessibles, tu vois, une bouffe un peu accessible, etc. On voulait quelque chose d'assez joyeux, assez simple, très très guinguette. Et les sculptures qu'on faisait, les cabanes qu'on fait un peu sculpture avec Lens à Nantes, y a un côté un peu petite folie architecturale. Et un jour, ma copine me dit, en fait, ma famille fait du vin sur les bords de la Loire, une demi-heure de Nantes, dans une commune qui s'appelle Le Cellier, qui est à pas très loin d'une commune un peu plus grande qui s'appelle Anceny. Et ce domaine, qui s'appelle le domaine des Genelières, fait un vin pétillant qui s'appelle La Belle Folie. Et qui est un vin qui est super, qu'on pensait de toute façon acheter pour le vendre au restaurant, parce que c'est une méthode traditionnelle. Bio, qui est accessible financièrement, et c'est vraiment un petit, on n'a pas le droit d'appeler ça champagne, mais c'est une méthode traditionnelle, un mousseux de guinguette qui paraissait super, et donc il y avait cet esprit de La Belle Folie où on allait servir ce vin familial et qui allait aussi rappeler un peu les petites folies architecturales qu'on a construit ici à La Belle Folie. Et donc voilà comment le nom est né. Et puis après, tu avais sur les petits logos juste un nom tout simple avec des petites bulles qui rappellent un peu le côté pétillant, l'effervescence, etc. J'aime bien quand même l'idée aussi que, en général, tu vois, quand tu parles d'utopie, des changements à venir qui nous attendent, et qu'en général, des entrepreneurs comme vous, vous avez une idée et que ça vous paraît évident, mais que ça l'est pas pour le reste de la société, tout de suite, justement, on met ces idées qui sembleront en fait complètement rationnelles et normales dans quelques années, soient vues comme des folies, et on dit mais t'es fou, tu vas jamais y arriver, c'est complètement anormal. Qu'est-ce que ça dit aussi de notre envie de sortir du lot, de se rationaliser au point qu'on en tue toute créativité, toute inventivité, qu'on ait l'impression que le pragmatisme soit une valeur absolue, alors qu'en réalité on continue à répéter encore et encore les mêmes erreurs. J'ai l'impression que s'autoriser dans un lieu comme le vôtre, un pas de côté, une idée folle, nouvelle, des propositions qui soient vraiment différentes, alternatives, ça fait du bien, et en fait c'est même sans doute aussi ce qui attire pas mal les gens qui passent chez vous finalement. Ouais, complètement. Ouais, tout à fait. C'est sûr que je pense qu'il vaut mieux passer du temps à faire la meilleure quiche lorraine du monde, ou à faire la plus belle petite cabane du monde, ou à faire un vélo le mieux recyclé du monde, qu'à faire des choses basiques achetées en Chine et de faire de la pub pour se faire connaître sur les grands GAFA qu'on connaît. C'est sûr que je pense que les gens s'y trompent pas. Alors après, il faut une forme aussi d'indulgence, c'est qu'il faut parfois beaucoup, beaucoup de chance pour réussir à mettre ça en place. Nous, on a mis plus de 5 ans à monter le projet, donc pendant 5 ans, tu dois pas bouffer sur des économies. En parallèle, tu dois quand même avoir des sources de revenus, alors que le truc te prend quasiment à temps plein, tu vois. Donc, il faut réussir à mettre des environnements en place. Alors, nous, on a vécu chez des copains qui nous prêtaient des baraques secondaires, on se faisait virer pendant les vacances. Alors, c'est un mélange entre être privilégié et en même temps, méchamment, vulgairement, tu m'excuses, mais se sortir les doigts. Donc, il faut un mélange comme ça de chance et en même temps d'énergie, de se mettre un peu en danger, d'aller loin dans les démarches, dans les machins, pour réussir derrière à créer un truc qui a l'air de plaire et qui a l'air chouette, quoi. Ouais, et d'ailleurs, si tu veux bien terminer avec moi sur la notion de nouvelles formes de tourisme, de habiter différemment le territoire. Là, on l'a compris dans la forme. Et d'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, allez regarder sur Internet, sur les réseaux sociaux, un peu à quoi ça ressemble. Parce que c'est vrai que c'est quand même, c'est pas commun, comme on dit, de voir tout ce que vous avez construit. Mais dis-moi quand même, parce que tu vois, j'ai tellement vécu, vu, moi, à travers mes différentes expériences professionnelles, notamment, qui m'ont amené à beaucoup vivre à l'étranger. Cette consommation, cette relation au tourisme qui était vraiment devenue purement consumériste. On se balade avec notre téléphone. On regarde le paysage à travers notre téléphone, on raconte nos expériences à travers un téléphone, et tout est en fait identique entre des centaines, des milliers de personnes de jour en jour qui passent pour exactement faire la même photo, pour exactement manger le même plat, pour vivre la même expérience. Raconte-moi comment ils sont, vous, vos touristes, pour le dire comme ça, et qu'est-ce qui fait qu'on a l'espoir de pouvoir habiter, découvrir la terre, découvrir l'autre différemment, et qu'il y a une vie hors de nos écrans en verre sur lesquels on passe trop de temps, malheureusement. Fais-moi un peu rêver, redonne-moi espoir dans l'humanité, s'il te plaît. C'est sûr, il y a du taf. Non, écoute, on a 5 grandes cabanes, donc c'est vraiment les étudiants qui sont à l'origine de l'esquisse, même si c'est trois profs qui les ont épaulés, et puis nous, un des représentants de la Belle Folie, en général c'était moi, pour sortir de... Mais c'est quand même toujours à la base quand même un étudiant qui a sorti une esquisse, et ensuite ils sont 5, 6, 7 étudiants à l'entourer pour derrière sortir la cabane échelle 1, parce qu'on préfabrique tout à Nantes avant de tout assembler à la Belle Folie. Mais donc il y a ces 5 grandes cabanes qui ont vraiment des styles toutes un peu différentes, et puis ensuite tu as aussi un espace plein air. On a mis 6 hamacs comme en Amérique latine, avec c'est des trucs fat boy avec des moustiquaires, des toits étanches et des bazars comme ça. Et ça, c'était pour c'est 10 balles la nuit. Donc le but, c'était d'être accessible financièrement et qu'il n'y ait pas que des cabanes. Parce que les cabanes, l'hiver, tu vois, on est à 90 euros la nuit avec deux petits déj et une heure de bain nordique, qui est une sorte de gros tonneau avec un feu de bois pour aller se relaxer dans de l'eau chaude dans une petite clairière. Mais ça reste 90 euros, et l'été c'est pas 90 euros, c'est plutôt 150 ou 200, tu vois, faut compenser le mois de janvier, du mois d'août. Et du coup, on voulait pas être réservé qu'à ces prix-là, parce que c'est déjà des budgets. Même s'il faut se dire que la valeur de la nuit, elle serait sûrement à x5 ou x8 ou x10 si on était passé en schéma classique, c'est-à-dire un archi, des investisseurs et puis un palace, quoi. Donc on a fait une sorte de zone espace plein air où il y a ces hamacs, il y a ensuite des tentes, vraiment des tentes canadiennes toutes simples en toile, où tu as des sommiers à lattes avec des matelas banettes de bateau qui sont en fait un vrai lit double comme à la maison. L'idée, c'était de faire du camping un peu accessible pour ceux qui ont mal au dos. Alors, il y en a qui ont mal au dos à 20 ans, mais en général, c'est plus à 30 ou 40 où tu commences à dire, bon, le camping en vrac, par terre sur un matelas quechua, j'ai passé l'âge. Bon, voilà, tu peux le faire pour 20, 25, 30 euros la nuit pour deux. Tu dors dans une tente, certes, mais sur un vrai matelas, donc tu te casses pas le dos. Et après, on a fait des petits poussins avec une société qui s'appelle Metallobile à Nantes, qui est aussi prof à l'école d'archi, et qui anime avec nous depuis le début le master, la Solid Thinking, avec Michel Bertreux et Francis Miguet, les quatre compères qu'ont monté cette option de master qui permet aux étudiants de construire échelle 1. Des petits poussins qui, eux, sont juste isolés, chauffés avec un vrai matelas, etc. Donc, tu as une sorte de gamme d'accessibilité. Et donc, assez naturellement, ou assez bêtement, ce qu'on a chou, en tout cas, moi, j'ai souvent parfois des idées préconçues, je me dis, oh, je suis bête. On s'était dit, tiens, c'est sûrement les jeunes à vélo qui vont dormir dans des trucs à 10 balles la nuit ou 20 balles la nuit. Et puis, c'est plutôt des gens de 50 ans qui vont s'offrir des cabanes à 150 balles. Bah, en fait, non, pas tant que ça. C'est vrai que parfois, tu trouves ce schéma-là, mais pas que, en fait. Ben, j'ai toujours été étonné de voir un mec qui vient avec une espèce de bagnole, je sais pas combien, qui vaut le prix d'une maison et qui passe 10 jours dans un hamac à 10 euros la nuit parce que ça le ressource de dormir presque à la belle étoile dans son hamac. Et à côté de ça, tu vois parfois deux jeunes, des gamins à vélo qui eux s'offrent une nuit sur la caravane perchée en haut du menhir. Donc ça, c'est assez rigolo, c'est un peu ce qu'on rêvait dans la guinguette, c'était d'avoir... nous on est dans un coin quand même, tu sais, la Trinité, Carnac, les maisons secondaires dans ces coins là c'est quand même venu des fortunes, on est un peu le Saint-Trope breton, donc forcément t'as une clientèle assez huppée et qui est mélangée avec des backpackers qui viennent surfer à Plouarnel, à Quiberon, ou qui viennent faire de la planche à Carnac, ou qui viennent se balader, découvrir Quiberon, etc. Et donc on arrive à peu près à mixer ces différentes tablées où t'as des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, t'as un peu de tout. C'est ce qui fait, je pense, un peu la richesse de la Belle Folie, c'est d'avoir pas avoir qu'une seule catégorie d'âge ou d'horizon. Et ben restons-en là, si tu veux bien, Aloïs, sur cette idée d'une mixité du tourisme qui nous permet de rencontrer des lieux différents, mais aussi des personnes différentes. On va faire le voyage en 2030 glorieuse ensemble dans quelques instants. Ça va nous permettre d'évoquer un tourisme là aussi largement renouvelé, où ça nous permettrait de découvrir différemment le territoire, de nous relier différemment à l'autre. Et ça, j'ai hâte de vivre ce voyage avec toi. Avant ça, tu nous fais un cadeau, parce que toutes les personnes à qui je donne la parole, elles nous font un cadeau d'une bulle d'inspiration qui est dans un livre en fait qu'elles ont chez elles, ces personnes, pour nous montrer qu'en fait dans nos livres on a déjà tout un tas d'utopies qui demandent qu'à advenir. Et toi, tu es venu avec un cadeau, si je dis pas de bêtises, enfantin. Oui, tout à fait. La première idée, c'était de te faire découvrir, tu connaissais peut-être d'ailleurs un bouquin qui a sorti Laure Adler, d'une discussion avec Edgar Morin, qui est un monsieur qui m'impressionne énormément de par son histoire et de ses travaux et de sa vision un peu du monde. Et puis au final, je me suis dit, en ce moment, c'est quand même très dur d'accumuler. Les gens, je pense, souffrent de... D'ailleurs, les journalistes commencent à l'entendre. Hein. J'ai vu que Le Monde là, vient d'ouvrir une page découverte pour essayer de soulager un peu les gens qui coupent la presse pour garder le moral. Donc là, c'est plutôt un petit livre qui s'appelle Les choses précieuses, qui est sorti chez Albin Michel Jeunesse, qui est de Pauline Martin et d'Astrid Desbordes, qui est un livre pour les enfants. Archibald se promène dans la ville. Derrière les vitrines, il y a des tas de choses et devant, des tas de gens. Alors on voit des petites boutiques avec des tailleurs pour dames, nouveautés, maisons de campagne, etc. On voit des gens qui font du lèche-vitrine. Et Archibald se dit, ça doit être des choses précieuses, se dit Archibald. Et il voit plein de gens avec des cadeaux dans les mains, comme si les gens venaient de faire plein de courses de Noël. Parfois, Archibald aussi a bien envie que ces choses soient à lui. Et là, on voit un petit garçon qui regarde une vitrine avec des oursons, avec des petits jouets pour enfants, etc. Une fois qu'elles sont à nous, observe Archibald, les choses précieuses finissent souvent enfermées quelque part, dans les armoires ou au fond des tiroirs. Archibald part se promener. Dans la nature, se dit-il, c'est un peu le contraire. Rien n'est enfermé. Ni le vent qui joue à me pousser, ni le rossignol tout en haut qui m'apprend à chanter. Ni les murs bien cachés, ni la rivière l'été qui m'invite à nager. Ni les grands marronniers qui se moquent d'être mouillés. Ni la neige en hiver qui m'appelle pour jouer avec elle. Ni le grand pommier sur le bord du chemin qui pense à mon goûter quand je l'ai oublié. Et là on voit Archibald évidemment qui croque dans une petite pomme. Ni la lune qui reste allumée quand je suis endormi. Ni le soleil qui dort au bout du monde, mais revient chaque matin sans m'oublier. Depuis que je suis né, ils prennent soin de moi et me tiennent compagnie. C'est drôle, se dit Archibald, le vent, la neige, la lune, le rossignol, les murs, les marronniers ou le soleil du matin. Ce n'est ni rare ni cher, au fond, c'est très commun. Ça ne m'appartient pas, et pourtant, même quand je cherche bien, je ne vois rien de plus précieux. Merci à Loïs, elle est super cette collection. Moi, je l'avais découvert notamment à travers leur premier livre, que j'ai découvert, je ne sais même pas si c'est leur premier livre, mais Mon Amour. Et c'est une magnifique collection qui me fait me dire qu'on a beaucoup de très très belles propositions de livres pour enfants et qu'effectivement, de temps en temps, les choses les plus simples sont les plus compliquées à mettre en avant. Et il n'y a que des âmes d'enfants qui peuvent les comprendre. Et nous, en tant qu'adultes, d'avoir des livres comme ça dans les mains, ça nous fait du bien. Voilà, ça c'est dit. Nous, on est en 2030 glorieuse, ça y est. Loïs, tu sais, les 2030 glorieuses, c'est pas une époque où tout est résolu, tout est, ça y est, réglé, une bonne fois pour toutes, facile, easy, mais non, pas du tout. Au contraire, on sent qu'on a réussi enfin à se mettre à la hauteur des enjeux. 2030 glorieuses, ça peut très bien être 2029, 2032, 2038, c'est les livres d'histoire qui le diront. C'est à la fois, du coup, un peu lointain, mais quand même assez proche. Donc, on se dit qu'il y a eu... pourquoi pas de vraies bifurcations, de vrais changements, et à la fois on sait que c'est presque un jet de pierre de l'époque où on avait commencé à se parler en 2023, donc faisons l'effort d'être très ambitieux dans nos imaginaires et dans nos propositions, tout en sachant qu'il y a quand même des gens qui nous écoutent depuis les 2023, et donc il faut rester un tout petit peu, j'allais dire crédible, mais je suis même pas sûr en fait, et donc... En 2030 glorieuse, on a réussi à reprendre notre place parmi le vivant, avec humilité, avec enfin humanité dans le bon sens du terme. Et il y a plein de choses qu'on doit encore adresser, plein de problèmes, plein de sujets, plein d'enjeux. Mais on sent qu'on va quand même dans le bon sens et qu'on a des nouvelles boussoles qui nous permettent de participer à des abondances, cette fois positives pour le reste des équilibres du système Terre, pour le reste du vivant. Et là, avec toi, on va essayer de faire cet exercice de décrire, puisque nous sommes en 2030 glorieuse, et donc on va partager, raconter tout ce qu'on voit au présent depuis les 2030 Glorieuses. On va essayer de les décrire le mieux possible pour que les personnes qui nous écoutent, elles, bloquées en 2023, elles puissent le voir un petit peu quand même, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a pris comme habitude. Aloïse, si je te fais la demande de me raconter, toi, ce que tu vois par la fenêtre en 2030 Glorieuses, d'ailleurs, je ne sais même pas où t'es, toi, en 2030 Glorieuses, mais qu'est-ce que tu vois raconter? D'un point de vue égoïste, je pense que les gens, j'imagine, vont plus venir en vacances à la Belle Folie ou dans des endroits un peu de ce style en Bretagne qu'en Thaïlande ou que sur la Grande Barrière de Corail ou qu'il y a des endroits, tu vois, accessibles à 6h, 8h, 12h ou 24h d'avion. Je pense que les gens continueront, j'espère, de voyager un peu, sauf qu'ils le feront, j'imagine, plutôt en bateau à voile, en vélo, en train ou à une demi-heure de voiture de chez eux. Donc voilà pour la partie tourisme. Pour la partie bouffe, ça c'est quand même super. Ce qui est génial, c'est qu'en fait on est hyper fort dans la cuisine végétarienne. On a réussi à devenir d'excellents cuisiniers en étant végétarien. Ça c'est quand même génial au quotidien. On s'éclate gustativement parlant. Ensuite, en architecture, c'est quand même super. On a réussi à faire des habitats avec de la terre, avec des matériaux recyclés qui sont résistants aux canicules, résistants aux inondations, qui peuvent se déplacer si jamais tu as des mouvements de terrain. Aujourd'hui, en 2032, on est quand même super fort dans l'architecture. On fait des bâtiments comme le Colisée à Rome qui vont durer plusieurs siècles et qui sont respectueux de l'environnement, qui demandent quasiment pas d'énergie. Ça, c'est quand même génial. Ouais, d'ailleurs, je me permets de t'arrêter sur ce point-là, Aloïs. À l'époque, en 2023, la Belle Folie, il y avait eu une première tentative artistique, j'allais dire, d'avoir ces lieux pas communs, des cabanes suspendues à des menhirs et plein de choses comme ça. Est-ce que vous avez fait une évolution, vous, en 7-10 ans, là, de propositions de nouveaux lieux? Pourquoi pas, tu disais, peut-être plus en lien avec le végétal, pourquoi pas des carters, pourquoi pas des souterrains, pourquoi pas un peu plus à l'image aussi de la faune, de la flore qui sont sur votre territoire, ou est-ce que vous avez même développé des annexes à la Belle Folie? Ouais, complètement. On a rajouté six nouvelles cabanes, effectivement. Une cabane en terre, effectivement, inspirée des carters. Ensuite, il y a de l'enterré au programme. Et donc maintenant, on est à une douzaine d'habitats, et quand tu as fini le 12e, il faut commencer à entretenir le premier. D'ailleurs, la Belle Folie, c'est devenu en fait quelque chose d'assez normalisé. Les habitations, j'allais dire exotiques, ça s'est normalisé. Aujourd'hui, il y a des hôtels qui ont pris, par exemple, tout un tas d'anciens voiliers qui sont restés à quai et qui permettent de dormir dans des voiliers sans avoir à prendre la mer. Il y a plein de propositions exotiques comme ça aussi, en 2032, glorieuses. Oui, complètement. Des bateaux, des containers. Il y a plein de choses qui sont revalorisées plutôt qu'être détruites pour faire de l'habitat insolite. Mais pas que, ça peut être aussi de l'habitat annuel. Ça sert sur de l'habitat d'urgence, ça peut servir sur de l'habitat insolite, ça peut servir sur plein de types d'habitats. D'ailleurs, qu'est-ce que ça a donné, votre débat? Je sais qu'il y a quelques temps en arrière, vous posiez la question de savoir si vous changiez pas le nom de la Belle Folie en Belle Normalité, non? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes devenu tellement, suivi, copié, normalisé sur votre territoire, que la Belle Folie, ça fait presque un peu creux, non? Eh ben écoute, ouais, j'espère, c'est génial si ça a pu donner des idées et puis faire des petits, c'est quand même le but, hein. C'est ça qui est sympa, c'est de voir les choses avancer dans le bon sens. Ouais, la belle banalité même presque. Je pense que le jour où la Belle Folie devient la belle banalité, ça dit qu'il y a eu un truc qui s'est passé, hein. Ouais, complètement. Et puis maintenant, tout le monde a des éoliennes en campagne, des petites éoliennes indépendantes, comme ce qu'on avait sur les bateaux dans les années 2000 ou 2010. Tout le monde a de la récupération d'eau de toiture avec son petit chauffe-eau solaire et son petit panneau électrique. Tout le monde a mis des cuves d'au moins 10 000 litres ou 20 000 litres et des toilettes sèches pour passer sans problème les épisodes de sécheresse. Et puis, il y a le potager qui cartonne avec... maintenant des mangues, du raisin, avec plein de choses, et tout ça est géré en permaculture avec 70% de besoins en eau différents. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien. Ça devient des petites zones autarciques de partout. Et du coup, ça fait des environnements Qu'est-ce sympas. que tu penses, toi, Aloïs, du fait qu'on se pose la question en 2030 Glorieuse de normaliser, de rendre presque obligatoire même le fait que les jeunes à 18 ans fassent un voyage de 6 mois en voilier pour leur donner le goût du temps long, le goût du rationnement, le goût du climat changeant, et que finalement on se rende compte qu'aujourd'hui, là, le voilier, c'est vraiment en train de devenir la norme pour se déplacer. Est-ce que tu penses que ça va vraiment permettre comme ça à l'humanité de se rendre compte de la fragilité des écosystèmes, de la nécessité de choisir des caps, de regarder loin, de s'adapter aux éléments, de remettre de l'humilité aussi au cœur de nos vies? C'est une évidence. Il y a 10 ans, en 2019, quand j'entendais Léa Salamé sur France Inter dire à Jean Covici, Ah bon, les gens auront le droit de prendre l'avion que 3-4 fois dans leur vie, mais ça veut dire que les gens pourront plus voyager. Bah non, mais attendez, avant d'inventer l'avion, on a quand même inventé le bateau à voile. Alors, à construire le bateau à voile, c'est quand même très crado. Oui, sauf qu'on en a déjà construit des centaines dans les ports et dont plein ne naviguent jamais, et encore plein sur les parkings. Donc il y a un stock inimaginable de bateaux à voile. Et très franchement, le tourisme, passer une semaine avec son guide sur les genoux pour aller voir des temples, je ne dis pas que c'est inintéressant, mais je trouve que ça n'a pas forcément la même allure que de voyager pendant 6 mois ou un an, où on a le temps d'apprécier, de mesurer la taille de notre terre. Moi, j'ai eu la chance de faire des transats où tu arrives au Brésil après un mois de mer en solitaire, t'as pas du tout la même appréciation que quand tu es monté dans un avion à Paris et que 12 heures après, à Rio ou à Salvador, la porte s'ouvre. La magie, elle n'est pas du tout identique. Et d'ailleurs, il faut pas forcément être un peu à n'importe quel âge sans être formé. Ça s'apprend. C'est pas réservé à une élite, c'est ça que je veux dire. Il y a vraiment moyen d'apprendre, il y a moyen de naviguer sur des petits bateaux qui valent 5 000 euros et tu peux quand même traverser l'Atlantique avec ça. Faut pas croire que c'est un support qui est réservé à une élite financière. D'autant qu'en 2030 Glorieuse, il y a des sites de covoiturage qui permettent de prendre le bateau avec n'importe qui. On a largement normalisé les stages de voile. Les Glénans et l'UCPA sont encore plus présents sur le territoire un peu partout en France. Enfin, dire qu'on part en vacances faire un stage de voile, il n'y a plus rien d'extraordinaire à ça maintenant. Ouais, c'est ça, c'est devenu très commun et puis ça permet de, pendant un an ou deux, tu découvres la France ou l'Europe à coup de vélo ou de train et c'est un pays extraordinaire. Et puis bah, dès que tu as un an devant toi pour faire un Erasmus ou s'offrir une année sabbatique ou pour aller travailler sur un sujet ou sur un dossier je ne sais où, et ben là effectivement c'est des vrais voyages en bateau qui sont formidables à réaliser parce que c'est vraiment d'une grande poésie. On apprend énormément sur soi, on apprend sur plein de sujets sur le bateau. Parce qu'en bateau, il faut connaître un peu bah, évidemment, faut connaître un peu la technique pour servir des voiles et puis tracer sa route. Mais il faut aussi s'y connaître un peu en mécanique, en informatique, en électronique. Il faut savoir cuisiner, pêcher. Il faut savoir s'occuper sur ses temps libres en peignant, en bouquinant, en lisant. Il faut savoir observer autour de nous. Les gens pensent très souvent que c'est un paysage qui est monotone, mais en fait, pas du tout. Toutes les 3 heures, la couleur change. On croise d'autres bateaux, d'autres espèces animales ou végétales. C'est extraordinaire. C'est magique. Il n'y a pas sur 24 heures en bateau, c'est très rare de s'ennuyer. Ouais, et puis tu te rends compte qu'en fait, à un moment, on avait, comme tu le disais, l'habitude de passer les portes d'un aéroport, puis d'un avion, et d'être 10 heures après à l'autre bout de la planète. Aujourd'hui, se rendre compte que le voyage, il nous permet de nous reconnecter au temps long, et que à travers ces moyens de transport qui sont, on ne peut plus sobres, de se rendre compte de ce dont on a réellement besoin, de l'essentiel, de le fait que notre eau, notre énergie, notre alimentation, ce soit éminemment précieux, c'est finalement une belle manière de se réapproprier ça derrière dans notre vie du quotidien. Ah oui, clairement, en bateau, il faut gérer sa consommation d'eau douce, son énergie, la sienne et puis celle à bord, parce que c'est quand même rare maintenant de traverser en utilisant le sextant et les étoiles. On est quand même bien pratique d'avoir un GPS et un ordi avec une carte de dessus, mais effectivement, ça apprend à bah, vachement bien avoir ce réflexe à la maison de regarder sa consommation d'eau douce, sa consommation d'énergie Et tout ça, quand c'est bien géré, ce n'est qu'un jeu et qu'un challenge amusant. En fait, il ne faut pas du tout voir ça comme une contrainte. Il faut voir ça comme une forme de légèreté et de sobriété. Parce qu'en fait, moins on consomme, moins on a besoin de sous pour financer ses consommations. Plus on est libre, peut-être, d'avoir un travail moins rémunérateur, mais beaucoup plus intéressant à vivre, ou de moins travailler tout court, d'enlever une journée par semaine. Donc, tout ça, en fait, moins consommer, quand c'est pris comme un jeu, bah, c'est génial pour la planète, pour le portefeuille, et du coup, tout ça, à la fin, c'est de la liberté supplémentaire pour faire des choses plus épanouissantes que travailler. Toi, tu fais quoi, Loïs, en 2030 Glorieuse ? Alors, en 2030 Glorieuse, j'ai pas changé grand-chose depuis un certain temps. J'ai la chance, tous les 2-3 ans, de faire 6 mois de voyage en bateau avec ma famille, et sinon de profiter de ma région et de m'y épanouir en travaillant un petit peu tous les jours, mais en ayant aussi beaucoup de temps libre pour faire des choses qui m'amusent. Et pour les personnes qui nous écoutent là et qui se disent, ben voilà, moi en fait en 2023 j'ai envie de contribuer à l'émergence de cette vie sans attendre, tu leur conseilles quoi là comme geste supplémentaire, comme prochain pas pour qu'on aille avec plaisir, avec entrain vers ces 2030 glorieuses qu'on a essayé de dessiner ensemble pendant 20 minutes? En faisant plein de choses qui peuvent paraître dérisoires, et puis parfois des choses peut-être avec plus d'impact, en tout cas pour soi, les choses dérisoires, c'est prendre du plaisir à organiser des vacances un peu écolo, c'est de voyager pas loin de chez soi, c'est d'essayer de concevoir, si vous faites une nouvelle maison, d'essayer de la concevoir un peu de façon écologique avec des containers, c'est de voyager différemment, de s'habiller différemment, de manger un peu différemment, c'est de s'amuser avec tout ça et de pas en faire une corvée, d'en faire plutôt un petit challenge qui à chaque fois va vous faire du bien quand vous allez réussir à faire un truc, puis surtout pas se culpabiliser, c'est-à-dire si ça vous fait rêver une fois par an de vous faire une côte de bœuf de rêve, il faut le faire, il faut pas se flageller, il faut essayer de faire plein de petites choses qui vont dans le bon sens, et puis garder parfois des plaisirs, il faut continuer à vivre avec certaines choses qui sont formidables. Voilà un peu moi ce à quoi je pense. Merci Aloïs. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !